it's never been so. But then when push comes to shove, damn about right or wrong, damn about love. Y'a-t-il une porte de sortie quand on se retrouve piégé par la vie qui nous a poussé tout droit dans les bras d'un monstre? Un monstre déguisé en bonté, en beauté, en un rêve protégé par une apparence ne montrant pas même une once de démence. Qui puisse paraître correct devant les autres est un comble. Le démon est bien camouflé au fond de ses propres catacombes. Her pain has never been so. Elle a mal mais te pardonne, pourtant la haine elle connaît ça. Que crois-tu qu'elle ressent ces fois où tu deviens méconnaissable? Impossible de se confier à ses proches ou ses connaissances. Son silence est le signe de sa peur et son impuissance. Elle est si forte car elle supporte les indignités d'un lâche. Et lorsque tu frappes à sa porte, elle devine que le monstre est lâché. N'as-tu pas honte en la voyant en larmes gisant sur le sol? Tu la désoles, t'es même trop fière pour être désolée, elle s'isole. Mais rien n'y fait, quand tu te libères, t'aurais besoin d'une camisole. Hors de contrôle, frôlant la folie, affolant les mômes, tu démolis l'image qu'ils ont de leur père. N'oublie pas que t'es leur repère et la voie que tu poursuis t'amènera juste à les perdre. Soir, c'est le coup de trop, il n'est pas question qu'elle subisse une autre vague de violence, une autre succession de sévices. Question de trembler de peur dès que tes yeux noirs se plissent. À ton tour de la supplier, ce soir marque l'arrêt des supplices. Et t'as l'air beaucoup moins fier quand c'est toi qui gis sur le sol. Une mort lente et douloureuse que t'es forcé d'affronter seul. Voilà ce que tu gagnes, voilà ce que tu gagnes, voilà ce que tu gagnes.